Et ouais, c'est dommage, tant pis. Repartons sur de bonnes bases. Mon ex et moi, on est vraiment pas du tout contents de ton attitude. C'est ma meuf, je l'aime, mais je suis cocu et l'école à la chaîne me le rappelle. Et que mon mode de vie me différencie d'elle. Les sales notes, c'est plus la famille et les femmes que la flemme. Après le lycée, j'arrête et je réalise mon rêve. Bah ouais, j'ai une copine, c'est direct la prime. Mais je suis comme un cadre de la déprime qui n'a pas eu sa prime. C'est un malentendu, je vais l'avoir en train. Les billets priment. Elle habite loin, faut pas que je joue pas la locomotive du train-train quotidien. Mais c'est la motive, je mets pas des doigts, mais des mains. J'ai 14 à la 24, rêve d'être enceinte. Pas de capote, une pilule, je vais me suicider avec son cintre. Ses coups sont sous la ceinture, je tire enfin des coups, je te jure. En un mois on a salopé tout le PQ que pas emmagasiner un supermarché. Mais j'ai des doutes sur sa fidélité, qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Je peux me passer de sexe et non, pas le même genre de dépression, le monde est dégueulasse. Elle rencontre des types branchos dans des pots à Paris. Je reste avec mes potos, alcoolo dans mon quartier pourri. Hey, y'a un truc blanc en bas chez toi. C'est ma meuf, c'est ma meuf. C'est quoi qui vient de sonner là? C'est ma meuf, c'est ma meuf. Silver, y'a ta mère qui t'en veut. C'est ma meuf, c'est ma meuf. Attention, c'est que c'est tranché dans ton vieux. Les rimes ne sont plus crédibles, c'est le drame. Kougat n'a toujours pas de copine, et Silver s'est trouvé une femme. Mes rimes ne sont plus crédibles, c'est le drame. Kougat n'a toujours pas de copine, et Silver s'est trouvé une femme. Alors dans ma tête c'est n'importe quoi. Mon cerveau n'a plus foi en moi. Quick devient complètement fou. Il fait des crises dans sa piole et casse tout. Dark a des problèmes avec le deal. Il supplie la mafia de ne pas le tuer avec des excuses débiles. Tréma profite de tout ça. Ce connard viole à tour de bras. Les enfants très éperdus. Le monde entier va se suicider. Et continue son chemin. Sa bouteille vidée arme à la main. Quoi neuf? Vous allez pas me croire, une meuf. Et chef, tu nous as trahis. Ça va te coûter un gros prix. Ne t'accroche surtout pas à ceci. Les nibards ne doivent pas contrôler ta vie. Hey, écoute ça, ma petite salope, c'est ce que j'en sentais envers toi. Je t'aime, je t'aime. Et maintenant ma grosse salope, ce que m'a dit mon gros rat. Je veux qu'elle, je veux qu'elle. Hey, y'a un truc blanc en bas chez toi. C'est ma meuf. C'est quoi qui vient de sonner là? C'est ma meuf, c'est ma meuf. Silver, y'a ta mère qui t'en veut. C'est ma meuf, c'est ma meuf. Attention, c'est que c'est tranquille dans ton vieux. C'est ma meuf. Hey, y'a un truc blanc en bas chez toi. C'est ma meuf, c'est ma meuf. Ah, c'est quoi qui vient de sonner là? C'est ma meuf, c'est ma meuf. Silver, y'a ta mère qui t'en veut. C'est ma meuf, c'est attention, ma meuf. C'est que c'est tranquille dans ton vieux. C'est ma meuf. Ma copine sur son MySpace, elle a marqué célibataire. Autant venu te méfier, Silver. C'est pour tous les hommes et les femmes qui vivent la sexuelle misère. Alors que des petites parisiennes se plaignent de ne pas s'être fait péter depuis hier. Tu ne sais pas ce que c'est que d'avoir l'habitude de se faire baiser à longueur de journée par le premier connard arrivé. Je peux plus m'en empêcher. Mais je ne me plains pas car je savais que tout cela devait arriver. De toute façon, est-ce qu'entre nous ça aurait si bien collé? Je te colle trop. Et chérie, pourquoi tu ne veux plus faire tourner? Ce soir tu m'as toujours pas appelé. Ça me ferait tellement plaisir d'oublier que tu allais voir un coup avec Satan pour le sucer. Et ce que je ne comprends pas, c'est que des fois Satan c'est moi. J'ai le cerveau moi, perdu et très moi, triste. Ma brosse à dents pue le cannabis et c'est pas dentifrice. T'as besoin de baiser, j'ai besoin de me droguer. Je reste seul pendant que tu te fais sauter. Raconte plus de conneries au mec, tu nous as tous autant kiffé. Même si je fais partie des privilégiés, finalement dur à dénombrer. Je ne savais pas qu'un couple libertin laisse mal tourner. Peut-être ça aurait mieux fonctionné si tu avais laissé de côté ta fonction de prostituée. Tu peux retourner te faire enculer par ce photographe vendu avant que je le marave. Mais n'oublie jamais cette phrase. Le vrai art sort des caves et des raves pour rave et non pas des expos branchouillards. Arrête de te la péter, arrête de te la péter. Parce que ton mec a 18 ans, moi et ma meuf elle en avait 4-1 dans les dents. Elle m'a trompé, je vais porter plainte pour détournement de mineurs et j'empoche la thune. Elle a un truc blanc en bas chez toi. C'est quoi ce merde sonner là? Silver, y'a ta mère qui t'en veut. Attention, c'est que c'est tranquille dans ton vieux. C'est ton vieux. Ah putain, ça fait du bien. Ah, que ça fait du bien. Bon, écoute, vas-y Doux, file-moi une glace, s'il te plaît, faut que je me calme. Je regrette de lui avoir foutu une claque quand même. Une claque. C'était un peu trop, c'est vrai. Ah bon. Tant pis, c'est fini. C'est l'automne maintenant. Allez. Une de perdue, 10 potes de retrouver. Vas-y, file-moi une glace, s'il te plaît.